Fanny, couche-toi là, couche-toi sur mon cœur, couche-toi là plutôt qu'ailleurs. Annie, couche-toi là, couche-toi près de moi plutôt que sous les autres. Annie, on parlera dans l'ombre, étendu côte à côte. Si tu veux, on dira rien. Et notre nuit peut-être deviendra aussi claire que le premier jour du monde. Je connais un pays lointain où l'on doit s'aimer dans l'espace. Les amoureux sont face à face sans même se donner la main. Ils ne font que se regarder, mais à travers leurs yeux braqués, l'air s'électrise de mille guitares et des enfants sont nés d'un simple regard. Annie, couche-toi là, couche-toi sur mon cœur, couche-toi là plutôt qu'ailleurs. Et notre nuit peut-être deviendra aussi claire que le premier jour du monde.